Voilà, je remercie beaucoup mon collègue, le professeur Philippe Alexandre, qui a fait de grands compliments sur l'école de pharmacie, à laquelle j'ai appartenu pendant très longtemps. Et il est de fait que les professeurs de pharmacie se sont beaucoup occupés des analyses chimiques d'eau. C'est un petit peu ce que je vais vous dire aussi. Mais j'aurais pu ajouter, si on avait eu du temps, qu'il ne faut pas oublier le laboratoire d'hygiène de la fac de médecine, avec en particulier le professeur Poincaré, de la même famille que le président. Et le mathématicien qui s'est beaucoup occupé de cette affaire. Alors pour ma part, j'ai choisi de vous parler, comme vous pouvez le lire, d'un sujet qui touche d'une certaine façon, enfin complètement, aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est une façon de rendre hommage à ceux qui se sont occupés du problème des eaux, parce qu'on ne parle jamais d'eux, bien que le problème de l'eau soit un problème extrêmement important. C'est aussi une façon de rendre hommage, d'une certaine façon, à la ville de Pont-à-Mousson où nous sommes, puisque Pont-à-Mousson est l'extrême limite du saillant de Saint-Mihiel, extrêmement célèbre. Alors je remercie beaucoup le conseil scientifique de ces journées et je n'oublie pas ni M. Muller, ni Mme Paccari, ni Sophie Weber d'avoir accepté ma communication. Et de l'avoir préparé avec le résumé dont vous avez vu que je vais parler de la qualité des eaux, mais je vais me limiter surtout au problème du début de la Première Guerre mondiale, parce que sur 4 ans, c'est beaucoup trop de choses et les choses ont évolué entre-temps. Alors bien sûr, c'est une banalité que de dire que l'eau est un problème quotidien aujourd'hui, que nous sommes en paix, où il nous faut des eaux en qualité et en quantité. Et vous voyez bien que quand on se trouve dans une situation de guerre, on a un problème d'eau qui est beaucoup plus important. Or, le jour de la mobilisation, le 2 août 1914, le commandement et le service de santé militaire s'étaient préoccupés de la qualité de l'eau, mais ne s'étaient pas préoccupés de la quantité des eaux. Il a fallu attendre le mois de juin 1915. Vous avez entendu, le mois de juin 1915, pour qu'on crée au niveau du grand quartier général un service des eaux de l'armée qui avait pour mission de s'occuper des puits, des sources et ceci et cela sur tout le front nord-est. Par contre, on s'était préoccupé de la qualité des eaux et c'était bien évidemment le service de santé des armées, enfin de l'armée et plus précisément les pharmaciens qui devaient s'occuper de la qualité des eaux. Mais vous savez, tout comme moi, qu'on était parti pour une guerre courte, pour une guerre d'offensive, qui aurait été bien évidemment victorieuse, c'est ce que tout le monde espère forcément, et que les événements ne se sont pas du tout passés comme ça, que très rapidement nos troupes se sont enlisées au sens propre et au sens figuré dans les tranchées, que les tranchées, lorsqu'elles accueillent un grand nombre d'hommes, on a un risque extrêmement important d'épidémie. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la Vouivre à partir de la fin de l'automne 1914. Et l'épidémie de fièvre typhoïde et paratyphoïde ne s'est résorbée que petit à petit au printemps. Et cette épidémie n'a disparu qu'à la fin du printemps. Donc vous voyez que la qualité des eaux est quelque chose qui est tout à fait important. Donc je vais vous parler d'abord du problème que pose l'eau. Ensuite, je dirai dans une deuxième partie ce qu'il en est des méthodes dont on dispose pour purifier les eaux. Ça, c'était quelque chose qui était parfaitement bien prévu, mais pas du tout à l'échelle où ça s'est passé, parce que c'était impossible de prévoir ce qui allait se passer. Et puis, je dirai un mot à la fin de ce qui se raconte ici et là et de ce qui s'écrit à propos de l'empoisonnement des rivières. Ça relève en partie de la vue de l'esprit et ça n'existe pas au début de la guerre de 14 parce que les Allemands n'ont pas du tout cette idée. C'est ultérieurement qu'on en arrivera à la guerre chimique et faire de la guerre chimique, ça n'est pas empoisonner les eaux. Ultérieurement, effectivement, il y a eu une certaine politique de la terre brûlée et à ce moment-là, on a empoisonné des eaux. Mais c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît d'empoisonner des eaux. Alors, comme vous voyez, les eaux, ça pose des problèmes qui sont importants. Il y a un problème de présence, donc un problème qualitatif. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Il suffit d'aller dans certains de nos pays, pas si loin que ça, et ça s'appelle quelque chose le sec. Donc, vous voyez tout à fait qu'il y a dans ces villages un problème d'eau. Ce problème, il peut être plus ou moins aigu, mais en tout état de cause, il peut y avoir une rareté, et vous savez comme moi que beaucoup de lettres de poilus font état des souffrances liées au manque d'eau. La quantité d'eau, donc, peut être insuffisante, mais en dehors, bien entendu, des problèmes de quantité, il y a un problème de qualité, un problème, vous connaissez comme moi, qui est un problème de potabilité. En dehors du fait que l'eau peut contenir une plus ou moins grande quantité de bactéries, elle peut aussi contenir un certain nombre de produits minéraux qui sont liés aux dissolutions par simple ruissellement. Et puis, vous pouvez avoir aussi de la terre, des choses diverses qui lui donnent une odeur, une couleur, un goût qui la rendent impropre à la consommation ou qui font qu'on n'a pas envie de la boire. Nous autres Français, nous avons réglé le problème pendant toute la guerre en essayant de donner aux soldats une eau d'une qualité suffisante qui était amenée dans des récipients qui étaient presque toujours de grande dimension, sauf quand les soldats sur le terrain, dépolluaient le litre ou les 2 litres ou les 3 litres d'eau dont ils avaient besoin sur le moment. Tout ça, c'était très bien prévu. Par contre, les Allemands, et vous pourrez aller voir l'exposition qui est proposée par la Société Philomatique avec M. Fonbaron, les Allemands avaient choisi une autre solution qui était l'eau en bouteille. Ils avaient à l'époque beaucoup plus l'habitude que nous de boire de l'eau en bouteille et en plus de l'eau souvent avec des bulles, ce qui n'était pas tellement une attitude française. Et ils avaient construit sur l'arrière du front des usines d'embouteillage qui permettaient donc de donner aux poilus de l'eau en bouteille. C'est contraignant, il faut des verreries. Ça se casse et en contrepartie, bien sûr, si l'eau arrive au poilu dans la tranchée fermée, eh bien l'eau est de qualité, ce qui n'est pas le cas chez nous. Les quantités d'eau sont considérables. Voilà la situation en 1914. Nous sommes partis avec 43 divisions d'actives, 20 divisions de réserve, 10 divisions de cavalerie. Une division d'infanterie, vous avez mis les chiffres, 4 régiments à 3500 bons hommes à peu près, un régiment de cavalerie, un escadron de cavalerie, ça fait 150 personnes, et un régiment d'artillerie. Ça fait en gros 15 000 hommes. Quand vous voyez, 75 000 litres d'eau par jour, ça représente 5 litres d'eau par combattant, à condition d'avoir cette eau. Ça ne représente pas une quantité très très importante. En d'autres termes, c'est surtout l'eau de boisson et l'eau de cuisine. Ça ne représente pas les eaux de lavage. Il est à peu près hors de question de se laver autre chose que la fribousse et les mains. Et ça ne compte pas les eaux pour les chevaux, car le régiment d'artillerie de la division d'infanterie représente 1620 chevaux. Donc vous voyez que ça représente une quantité d'eau beaucoup plus importante, même si ses qualités ne sont pas les mêmes, bien sûr, que celles d'un homme. Donc, il y a un problème d'eau qui est tout à fait important. Par ailleurs, on se trouve en campagne, à la campagne, si j'ose dire, et à la campagne, il n'y a pas de station d'épuration des eaux. Les stations d'épuration des eaux sont déjà très très rares en ville. Seules les grandes villes ont eu la capacité de s'en offrir, et en particulier à la suite des épidémies de choléra. Mais par contre, les campagnes utilisent l'eau directement, et je vous montrerai tout à l'heure avec certaines fiches que j'ai à la faculté de pharmacie, dans des thèses, que les eaux sont déjà polluées, si j'ose dire, avant de commencer. Ça veut dire que la population du village boit perpétuellement de l'eau polluée. Ça ne signifie pas qu'elle n'est pas potable, mais ça signifie quand même qu'elle est limite. Et donc, si vous rajoutez quelques cadavres d'animaux ou quelques autres choses comme ça, vous allez avoir une eau qui, là, ne répondra plus aux critères. Et il y a plein de rapports des ingénieurs des ponts et chaussées qui montrent que les eaux des villages sont polluées, ne serait-ce que par le fumier qui s'écoule des usoirs, qui sont tout à fait classiques chez nous. Par conséquent, vous voyez bien le problème. Et donc, vous rajoutez à cela donc les rassemblements humains. L'armée française n'était pas vaccinée contre la typhoïde, ou tout au moins pas complètement, et il a fallu attendre un petit peu pour qu'il y ait une loi qui le décide. Et donc, il y a eu ces différentes épidémies, il y a aussi eu du choléra, mais c'est surtout en ce qui concerne la région et le début de la guerre, donc les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes. Si bien qu'on en arrive à avoir, et vous savez ça tout aussi bien que moi, des trous d'eau où il y a une eau qui est stagnante, qui est polluée, qui contient éventuellement des restes d'animaux, etc. Et vous savez qu'à certains moments et à certains endroits, nos soldats n'ont eu que cela à boire, car il était complètement impossible d'amener l'eau avec des bidons ou avec des seaux depuis l'arrière. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez que le système d'approvisionnement, et je l'ai écrit, ne fonctionne qu'à partir de juin 1915. Le commandement a décidé donc un service de purification des eaux qui couvre toute l'armée française, qui est dirigé par un colonel. Ce colonel, il est extrêmement bien choisi parce qu'il est ingénieur général des ponts et chaussées, c'est un officier de réserve, il est ingénieur général des ponts et chaussées et c'est lui qui est le responsable de l'usine des eaux et de l'approvisionnement en eau de la ville de Paris. Donc on ne pouvait pas faire mieux et il y a donc dans chaque armée un détachement qui va s'occuper donc d'entretenir les puits, d'entretenir les sources, d'en créer de nouvelles, de faire donc des forages. Et vous voyez donc à la fin de l'année 1915, donc en gros sur 6 mois, le nombre très important d'installations qui ont déjà été aménagées ou installées ou remises en état, ce qui vous montre qu'auparavant, nos soldats, bien, ils ont eu des eaux d'une qualité très inférieure, ce qui était d'ailleurs logique puisqu'on était parti pour prendre de l'eau au fur et à mesure de l'avance de nos troupes. Et comme nos troupes n'ont pas avancé, mais qu'à un moment on s'est arrêté très vite avec donc la course à la mer et ainsi de suite, à ce moment-là, il a fallu trouver un autre système. Le service de santé, lui, il était prévu qu'il pratique les analyses et ça a commencé le jour de la mobilisation ou à peu près, dans les ambulances qui ne sont pas, soit dit en passant, des véhicules, mais qui sont des formations sanitaires de campagne, c'est-à-dire des petits hôpitaux. Dans les ambulances, il y a un pharmacien, et ce pharmacien a entre autres pour mission d'aller, au fur et à mesure que l'ambulance se déplace avec la division d'infanterie, eh bien, d'aller mesurer la qualité de l'eau du village où on va stationner, ou des villages, bien sûr, 15 000 hommes, ça ne stationne pas dans un village. Et puis, à partir de juin 1915, ont été créés les laboratoires de toxicologie divisionnaire, et il y avait là un certain nombre de pharmaciens qui avaient, entre autres, pour mission, mais ce n'est pas la seule, d'assurer l'analyse de la qualité des eaux, encore que le problème de la bactériologie n'est jamais traité de façon très claire dans les livres, ce qui laisse supposer que ça n'est pas si clair que ça. La chimie, c'est beaucoup plus facile à faire que la bactériologie, qui ne se fait pas au bord du chemin. Alors les méthodes d'épuration des eaux, elles n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes, mais bien évidemment en temps de guerre et à la campagne, on ne peut pas utiliser n'importe quoi. Il y a 3 grands types de procédés, il y a des procédés de filtration, c'est tout à fait efficace mais ça demande des installations, ça ne se fait pas sous le feu de l'ennemi. On peut faire chauffer l'eau, la mettre à ébullition dans une casserole, c'est tout à fait efficace, mais ça ne se fait pas non plus sous le feu de l'ennemi parce que ça fait de la fumée, parce qu'il faut chauffer, parce qu'il faut du temps. Et par conséquent, le procédé le plus simple, pas forcément le meilleur, le procédé le plus simple, c'est le procédé chimique. Les procédés chimiques sont parfaitement au point en 1914. Il y a 3 grands procédés chimiques. Donc le procédé avec le permanganate de potassium, c'est tout à fait efficace à l'inconvénient que l'eau devient rose, puisque le permanganate est rose par lui-même. Et donc il faut attendre un certain temps, bien sûr, que le permanganate ait oxydé et détruit les bactéries qui sont dans l'eau. Et il se transforme en un sel de manganèse qui précipite et qui entraîne avec lui les impuretés qui sont en suspension. Donc si on a le courage et la capacité d'attendre assez longtemps, d'ailleurs c'est important parce que sinon on boit de l'eau polluée, hein, c'est très clair. Donc si on a la capacité d'attendre assez longtemps, on a une eau de bonne qualité, mais par ailleurs, on fournit en même temps que le permanganate le produit qui permet de détruire son excès, et par conséquent, normalement, tout va bien. Ça, c'est le procédé Lambert, vous avez déjà lu ça éventuellement. Le deuxième grand procédé, j'aurais peut-être dû mettre inversé, le deuxième grand procédé, c'est l'utilisation du chlore. L'utilisation du chlore, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Il faut en mettre 2 ou 3 mg par litre d'eau. Vous savez, quand il y a des problèmes avec du terrorisme, on augmente la chloration des eaux. Ça, il suffit de sentir le matin quand on se lave les dents ou qu'on boit son petit déjeuner, on voit très bien si la quantité de chlore a augmenté. En milieu civil, ça s'appelle la javelisation. En milieu militaire, la technique est identique dans son principe, quelque peu différente sur le plan de la méthode, parce qu'on est en milieu militaire et qu'il y a beaucoup de monde et que c'est différent et qu'il faut aller vite. Ça s'appelle la verdunisation. Et puis, il y a le procédé avec l'iode qui est moins employé parce que l'iode coûte très cher, mais on peut prendre de la teinture d'iode aussi, ça fonctionne très bien. Ça colore l'eau en jaune et donc, là encore, il faut bien évidemment ensuite mettre un produit pour retransformer l'iode en iodure et pour que l'eau redevienne incolore. Sinon, le combattant n'a pas envie de la boire. C'est un problème très important qui a eu lieu et qu'on a essayé de régler. Donc, si sur le plan de la quantité d'eau, il y a un souci, les méthodes pour que les combattants les mettent en œuvre, elles sont, elles, parfaitement maîtrisées si on fait comme il faut. Alors, quelques images. Donc, on peut aller, bien sûr, depuis la quantité d'eau d'un litre ou deux pour un soldat ou deux soldats, jusqu'à 20 000, 30 000 litres d'eau lorsqu'on veut donc ravitailler un régiment. Donc, vous voyez, on prend trois fusils, on les met en faisceau, ça doit être comme ça qu'on dit. On met un sac en toile, puisque en milieu militaire, les sacs sont en toile. En bas du filtre, sur le fond, il y a donc, vous voyez, de l'ouate de tourbe, donc de la terre avec de l'oxyde de manganèse. C'est le produit qui détruit l'excès de permanganate. Et puis, on fait couler l'eau contaminée ou polluée, comme vous voulez, au-dessus. Et puis, ça s'écoule, le permanganate agit. Et en bas, on a de l'eau de qualité. Et si tout va bien, si on a bien réglé son système, donc l'excès de permanganate a été détruit. Voilà l'installation, par contre, très classique. L'installation très classique pour la javelisation de l'eau. On met l'eau dans des grands récipients qui sont cachés derrière les paillotes en osier. Et donc l'eau reçoit une certaine quantité d'eau de Javel, donc une goutte ou deux par litre, et on laisse agir un certain temps, il faut agiter, et puis ensuite l'eau, vous voyez, s'écoule dans les tonneaux que l'on devine en dessous, et elle va y rester pendant un certain temps. Or, ça c'est aussi un problème toujours de la conservation dans les récipients, en sachant qu'il y a un certain nombre d'installations comme ça sur le terrain, à intervalles réguliers, et qu'un pharmacien auxiliaire, c'est-à-dire un étudiant en pharmacie qui a le grade d'adjudant, un pharmacien auxiliaire va venir inspecter tous les jours pour faire la vérification de la qualité de l'eau qui sort de l'installation donc de verdunisation. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est obligé de faire venir de l'eau de plus loin, puisque nous avons choisi dans l'armée française d'utiliser donc de l'eau en vrac et non pas de l'eau en bouteille, le Touring Club de France, et vous voyez, j'ai choisi la photographie bien sûr à dessin, le Touring Club de France a offert tout un ensemble de charrettes, de chariots tirés par des chevaux qui sont amenés au plus près et on transvide, comme vous voyez, donc cette eau potable dans des tonneaux qu'on va amener vers des stocks qui sont au niveau des tranchées. Et vous allez frémir, mais ça ne vous étonnera pas quand vous verrez les photos. Voilà une réserve d'eau près d'une tranchée. Alors quand vous voyez que les deux fantassins ont de la boue pas tout à fait jusqu'aux chevilles et que vous voyez ce qui est autour, vous voyez qu'il, même en prenant d'immenses précautions, on n'est pas tout à fait certain de la qualité de l'eau. Mais il y a des moments où on ne peut pas faire mieux. Donc c'est encore mieux de boire cette eau éventuellement un tout petit peu polluée plutôt que de l'eau tout venant de la mare que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, c'est certain. Bon, par contre, il y a des sources, quand on est un petit peu plus loin, que le terrain est moins bouleversé, on a des sources qui sont des stocks qui sont beaucoup plus propres et bien éventuellement des sources qui sont bien évidemment de la même façon beaucoup plus propres. Et on conserve souvent l'eau dans des stocks souterrains. Je ne sais pas quelle est la vraie finalité plutôt que de la conserver en surface, mais c'est classique, ces stocks dans des gros tonneaux qui ont pu contenir auparavant du vin. Alors, pourquoi consomme-t-on aussi beaucoup de vin? C'est parce qu'il y a aussi un problème de qualité de l'eau et éventuellement, dans certains cas, de quantité. Vous savez que Pasteur a dit que la plus saine des boissons, c'était le vin. Simplement qu'on oublie la deuxième partie de la phrase qui ne dit pas tout à fait ça et qui dit qu'on doit aussi boire de l'eau. Mais bien sûr, en France, on avait oublié cette deuxième partie de phrase. Alors à partir de 1915, donc de juillet 1915, il y a des laboratoires de toxicologie et j'ai le bonheur de posséder une photographie extrêmement intéressante d'un laboratoire de toxicologie de la 67e division, à l'origine donc une division de réserve. La photographie a été prise à l'automne 1916 à Pierrefitte-sur-Aire dans le département de la Meuse. À droite, vous voyez l'aide-chimiste avec son calot. C'est le futur professeur Cordebar, ça ne vous dit sans doute rien. Cordebar, c'est l'homme qui a mis au point à Nancy la technique de dosage de l'alcool, entre autres dans les éthylomètres, c'est-à-dire quand on souffle dans le ballon, et bien c'est ça. C'est lui qui a mis en point la technique dans les années 25-30. Il a fait toute sa carrière à la faculté. Et puis à gauche, je tiens cette photographie de la famille du professeur Cordebar qui me l'a offerte il y a 2 ans. Et la personne qui est à gauche, c'est le pharmacien aide-major Penaud. Et ce pharmacien aide-major Penaud, qui était le patron du laboratoire de toxicologie, vous voyez qu'il est installé dans une maison, donc dans des conditions de travail assez satisfaisantes, mieux que sous une tente. Et ce pharmacien Penaud, il avait mis au point, tout au début de la guerre de 14, au mois d'octobre, un procédé de purification des eaux à partir des comprimés Lambert, c'est-à-dire du permanganate dont je vous parlais il y a un instant. Il utilisait 2 douilles de fusil Lebel qui étaient soudées par leur base. Dans une, il y avait le permanganate. Dans l'autre, il y avait le produit, le sulfite, qui permet de réduire l'excès de permanganate. Il y avait un bouchon. Et donc, il y avait là la dose pour 50 litres d'eau. Et donc, on avait ça dans sa poche ou dans sa musette. Et donc, le soldat avait sur lui, s'il avait trois ensembles de douilles, il avait de quoi purifier l'eau en une demi-heure à peu près pour toute l'escouade avec laquelle il était. C'était un procédé tout à fait satisfaisant qui a été publié dans une grande revue de pharmacie. Alors ces laboratoires de toxicologie ont pour mission numéro 1, et c'est pour ça qu'ils ont été créés, de s'assurer de la potabilité des eaux. C'est seulement après qu'ils ont été occupés avec l'arme chimique et toutes sortes d'autres choses. Et vous voyez que la circulaire de 1915 s'occupe essentiellement des toxiques de la chimie, parce que ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très difficile à faire, au moins pour les toxiques métalliques. Pour les alcaloïdes végétaux, c'est déjà une autre affaire. Mais c'est plus facile à faire sur le terrain, dans des conditions précaires, que la bactériologie. Et si vous lisez tous ces toxiques minéraux, c'est parce que c'est la toxicologie de l'époque, avec de l'arsenic, par exemple, ou des cyanures. La toxicologie des végétaux, c'est plus difficile, mais vous avez aussi le cyanure, qui est une grande arme chimique, l'acide cyanhydrique tuant en quelques instants. Voilà, donc le procédé des Penaud, je passe puisque je vous l'ai déjà exposé, je le laisse quelques instants. Donc vous voyez deux cartouches, l'une avec le permanganate, l'autre avec la poudre neutralisante, on agite, on attend, et on a, donc, mais l'eau est brune, on ne peut pas la filtrer, là c'est pas prévu, il faut s'en contenter. Alors, quelques analyses. Voilà tous les villages pour lesquels j'ai des fiches, dans une thèse à la faculté, j'ai des fiches, des analyses faites entre la bataille des frontières. Alors la bataille des frontières, pour nous, c'est la bataille du Grand Couronné avec tous les villages entre Nancy et Lunéville. Et puis après, au début de l'année 15, des villages, vous voyez, dans le sud toulois, qui correspondent finalement aux troupes qui sont cantonnées pour le saillant de Saint-Miel. Le pharmacien auxiliaire d'Aguin, dont j'ai mis la photo, dont la carte provient, a fait des analyses chimiques et bactériologiques pour tous ces villages-là. Donc on sait parfaitement quel était l'état des eaux avant de commencer, après le passage des Allemands, après qu'on ait purifié, et ça permet de savoir quelle était la situation. Voilà donc, alors vous n'allez pas lire parce que c'est trop petit, mais ce n'est pas le but. Vous voyez donc qu'il y avait eu des fiches qui étaient parfaitement bien prévues et que le pharmacien devait donc renseigner, qui s'intéresse à savoir d'où vient l'eau, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'elle est polluée, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce qu'elle est traitée, est-ce que les Allemands ont empoisonné. En aucun cas dans ces analyses, il n'y a eu d'empoisonnement des eaux par les Allemands. je dis bien, ça ne préjuge pas de ce qui s'est passé après. Mais vous savez que le très célèbre auteur Pierre Macorlan, si je suis trop long, Madame Pacari, vous me coupez la parole. Ça va? Ah bon, bah alors je vais aller vite. Donc Pierre Macorlan a écrit un très célèbre livre qui s'appelle Les poissons morts, qui se passe entre Nancy et Lunéville et qui est lié à des poissons morts dans la Moselle. Et c'est comme ça que se sont propagées les idées des eaux. Alors vous voyez, donc l'eau sert à tout, mais il n'y a pas une malveillance allemande. Il y a des infiltrations. Bon, on ne fait pas d'épuration, l'eau est trouble, mais on la boit tous les jours. Quand elle est traitée, c'est le meilleur, ça c'est très rassurant. Absence de malveillance allemande. Mais vous voyez que ce n'est pas terrible, donc c'est sûr qu'après, ça le sera encore. Alors, l'empoisonnement des eaux par les Allemands. Donc, l'armée allemande, avant le 22 avril 1915, Ypres, la première attaque chimique, ne dispose d'aucun produit chimique. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle puisse matériellement polluer les eaux. Et puis, polluer une rivière, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a le débit de l'eau, il y a la dilution du toxique, et si vous voulez polluer la rivière, il faut mettre du toxique dedans en permanence. Et donc, une fois que les Allemands se sont retirés après Lunéville, par exemple, eh bien, il leur est impossible de polluer la Moselle. Polluer une source, c'est pareil. Pour polluer une source correctement, il faut trouver le moyen de mettre le toxique avant le griffon. Alors ça, c'est pas commode. Le plus facile, c'est de mettre un toxique dans un puits. Ça c'est sûr, mais ils étaient déjà de toute façon pollués avant de commencer. Les gens buvaient l'eau et ça allait très bien. Mais par contre, le plus simple, c'est pas de mettre un produit chimique dedans. Il suffit de mettre une pelletée de fumier dans le puits. Et le puits, il est pollué pour très longtemps. C'est de la guerre biologique. Mais de toute façon, le résultat est le même. C'est une technique qui date de l'Antiquité, qu'on connaît partout. Pour polluer un puits, il suffit de mettre un cadavre d'animal dedans. Alors, c'est comme ça qu'on a dit aux soldats de boire du thé et du café, qui avait le temps, depuis la veille jusqu'au lendemain, de purifier l'eau. C'est comme ça que les Allemands ont utilisé de l'eau en bouteille. C'est comme ça qu'on a vendu dans le commerce des pochettes avec des médicaments et des comprimés chlorés pour polluer l'eau. Alors, je m'arrête pour vous laisser éventuellement poser quelques questions. J'ai tenté de vous montrer donc que le commandement s'est constamment préoccupé de la qualité et de la quantité des eaux. Il n'a pas toujours pu faire ce qu'il fallait. Il y avait des choses qui étaient prêtes et faciles et des choses qui n'étaient pas prêtes parce que ça ne pouvait pas et qui n'ont pas été faciles. Mais on a essayé donc de faire en sorte, et puis il y a eu des substituts, le thé, le café, différentes autres boissons et chez les Allemands, surtout de l'eau en bouteille. Je vous remercie.